arrachait à la fête. Au contraire, merci. Cette île était tellement tranquille autrefois. Vous regrettez de ne pas être venu plus tôt? Non, je regrette de n'avoir pas su ce qu'il y avait ici. Comment ça? Cet endroit, la taverne. J'avais vraiment l'intention de revenir la construire, mais elle m'a pris de vitesse. Vous préférez les bâtiments aux gens? Pardon? Non, parlez-moi de ma mère. Ta mère était unique, irrésistible. On parlait, on se disputait, on... Tu sais que c'est moi qui l'ai conduite sur cette île? Et vous n'avez pas fait que ça, apparemment. Qu'est-ce qu'elle est allée te raconter? Rien, elle n'a jamais parlé de vous. Attends, tu nous as dit que ta mère parlait tout le temps de ses amis d'autrefois. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Pourquoi je suis là? Y a-t-il quelqu'un sur terre qui entend ma prière? C'est dingue quand même! Donna avec une grande fille. Vous avez des enfants? Non, je ne me suis jamais retrouvé sur le chemin de la paternité. Il n'est pas trop tard. Mais je ne crois pas que ma moitié serait du même avis. Vous ne voulez pas d'enfants? Ah non, non, non, non, non, non, non, ce n'est pas ça, enfin, je veux dire... J'aurais aimé avoir une fille. Je l'aurais gâtée pourrie. La vénarde! Votre père est là? Je ne sais pas. Vous dites? Je ne sais pas qui est mon père. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui entend ma prière? Tu m'autorises une question indiscrète? Je suis écrivain, des formations professionnelles. Allez-y! Comment elle a fait ta mère pour s'offrir cet endroit? Quand je l'ai connue, elle chantait dans une boîte sur le continent. Elle a reçu un peu d'argent en héritage. Quand j'étais petite, on vivait chez une vieille dame et maman s'occupait d'elle. Elle s'appelait Sophia. Sophia? Ma grand-tante Sophia? Je crois bien, oui. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait légué son argent à de la famille. Attends un peu, quel âge tu as? 20 ans! Sophie, ce secret, c'est pas le mien!